Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Mitre, poète, membre de l'Académie Léon Tonnelier, sociétaire des poètes français, qui vient nous parler de son recueil « Le temps qui coule », publié chez Gérard Louis Éditions. Bonjour Philippe. Bonjour Mona. Alors vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de vous ? Bien, en quelques mots, je suis, on me dit poète. Bon, disons que c'est peut-être un grand mot, mais bon, c'est je souffre d'une maladie douce, en quelque sorte, j'ai du mal à guérir, mais je m'en porte très bien. Quelquefois, bon, il y a des petites pointes où c'est beaucoup plus difficile, je souffre parfois, mais disons que l'inspiration, si elle est derrière, c'est très bien. Oui. Alors, comment on devient poète ? Ah, par nature, par... c'est pas par accident, hein. Je pense que c'est dans les gènes et suivant les circonstances, les événements, la jeunesse, parce que bon, c'est dans l'enfance, j'étais toujours sensible aux mots à l'école et disons que c'est devenu petit à petit, c'est entré en moi. D'accord. Alors pour nous mettre dans l'ambiance de votre univers, vous pouvez nous lire votre poème intitulé « Bestiaire ». Bien sûr. Alors Bestiaire, bon, c'est un peu une ambiance particulière entre le monde animal et puis la solitude un peu de l'humain. Il avait un cochon d'Inde au nez rose, un poisson rouge délavé et un peu morose qui de temps en temps lui faisait une bulle. Comme ça, il ne savait pas pourquoi. Il avait aussi un verre à lui et un verre à soi avec lesquels il tenait parfois quelques singuliers conciliabules. Il avait également une souris blanche qui montait dans sa manche et un vieux chat gris qui aimait les sardines, un canari misogyne à la queue toute flétrie et puis une grosse araignée velue et quelques puces volatiles qu'il n'avait pas voulu. Il avait une tortue pas très volubile, un lapin nain qui mangeait dans sa main, un scarabée mordoré, un cancrelat à mandibule, un papillon égaré et quelques blattes noctambules. Il avait un mille-pattes, mais il n'en était pas sûr. Il avait encore deux ou trois punaises dans le mur, une grosse mouche bleue et noire qui le distrayait souvent le soir, un moustique rébarbatif, et deux poux sur quatre tifs. Il ne lui reste plus que la laisse de son chien et quelques milliers d'acariens. Et depuis, jusque très tard, on le voit promener en laisse, avec une certaine tendresse, un gros cafard. C'est très tendre et très drôle en même temps. Alors, comment arrive l'envie d'écrire un poème ? C'est après quelque chose que vous avez vu ou entendu ? C'est variable. Une émotion, ça peut être simplement une goutte de rosée, une perle de rosée sur une herbe, dans le soleil, une émotion, un mot, un vol d'oiseau, un flocon de neige, de circonstances. Voilà, c'est tout et rien à la fois. Oui. Alors vous écrivez comme ça sur le vif ou vous avez des rituels ? Non, pas sur le vif. C'est simplement un cheminement, une idée, un mot, et qui petit à petit fait son chemin, comme un petit ver de terre, peut-être. Et puis, un jour, suivant peut-être une autre émotion, c'est parti. Et là, à partir de cet instant, de ce mot, se concentrer, disons, c'est parti pour un texte. Alors bon... En général, il faut que ça soit un jet puissant que je ne reprends pas. En général, j'évite de reprendre parce que trop le travailler, on peut briser cette puissance d'inspiration. Et quelquefois, ce n'est pas très bon. En général, c'est quand ça part comme ça, une libération, quoi. Ah oui, soulagement. Alors, nous allons écouter maintenant. J'aimerais tant te parler de Julos Bocarn, un poète belge. J'aimerais tant te parler tendre un soir d'hiver au coin d'un feu, te dire des mots à pierre fendre, à fondre la banquise des yeux. J'aimerais tant tendre la perche d'un grand sourire radieux, prendre le temps de dire je t'aime, arrêter les courses et les jeux. Dans le silence, dans le silence, j'aimerais te faire douce, douce, à 12h12, pourquoi pas 13h12 à 13h13, blottie tendrement dans tes bras. Il n'y a jamais d'overdose pour les doudous, enfin je crois. L'amour est une énergie douce qui réchauffe tant haut que bas. Dans le silence, dans le silence, il fait froid, ce serait bon se fendre d'un baiser tendre, même de deux, enfin se fondre et se confondre, et n'être qu'un bien qu'étant deux, se perdre dans l'espace immense, oiseau léger au gré du vent, perdre doucement connaissance, naître à nous-mêmes en même temps. Dans le silence, dans le silence, j'aurais tant aimé lire les lignes subtiles de tes blanches mains. Pêcheur d'amour, tendre ma ligne pour te faire mordre mes lèvres. Au moins, oui, j'aurais tant aimé descendre au plus secret de tes jardins, écouter le vent dans les branches de tes longs cheveux châtains. Dans le silence, dans le silence, mais je n'ai pas dû tant t'attendre, tu m'as prise au piège amoureux, et c'est moi qui me suis fait prendre aux appos si beaux de tes yeux. Et les prix qui croyaient prendre, j'étais seul, nous voilà deux. Je n'ai rien perdu pour attendre, le temps est venu d'être heureux. Dans le silence, dans le silence. Alors nous sommes toujours avec Philippe Mitre, pardon. Vous pouvez nous lire le poème intitulé « Intempéries ». Intempéries. Il se put qu'il eût plu à la mère et qu'il eût déplu au père. Rien n'est exclu. Tout ça parce qu'il a plu à la fille un soir de pluie à la fête du port. Quelle histoire de famille, sans rapport avec la mère. Et le père qui n'aimait ni la fête, ni la mer, ni la pluie, et qui crevait de sommeil, l'avait bien amer et rien à boire. La mer, avec ses flux et ses reflux gastriques, aurait préféré l'Adriatique avec tout ce qu'elle inclut de soleil. Comme il n'avait pas conclu avec la fille, il s'était mis à contempler la mer qui brillait de mille bijoux. Les nuages en petits voyous caressait la lune couchée sur la lagune. Il en conclut qu'il était superflu qu'il eût plu à la mer, car tout était inclus dans son assurance intempéries vacances. Alors ça vous demande du temps d'écrire un poème ? Non, parce que ça m'amuse tellement que je ne vois pas le temps passer. Et en général, bon, ça va assez vite. Ça va, c'est vite. Oui. Vous en avez déjà écrit beaucoup ? Ah oui, oui, j'ai fait deux recueils, des petites anthologies avec d'autres poètes régionaux et puis divers textes qui sont parus dans des revues francophones. Et puis j'ai une petite réserve pour un prochain recueil que je pense sortir l'année prochaine. D'accord. Alors vous avez des thèmes de prédilection ? Thèmes de prédilection, non. Non, pas forcément, non. C'est suivant l'inspiration, suivant mes rencontres dans la vie, je suis, au fur et à mesure que j'avance, je suis un peu sensible à tout ce qui se passe, non, je peux pas dire que j'ai des thèmes d'inspiration, ça peut être la joie, tous les sentiments, tout ce qui passe à travers soi et qu'il reste quelque chose, quoi, comme un tamis de gravier, le sable, voilà, les petites pépites qui restent au fond. Oui. Bon, c'est un choix délibéré d'être léger, en fait, parce qu'elles sont assez légères. Elles sont profondes, mais façon d'écrire est très légère. Oui, j'aime épurer un peu, disons, que je ne veux pas... j'aime un certain lyrisme, mais je veux le concentrer. Parce que pour moi, en fait, le poème le plus réussi, le plus abouti, ça serait simplement un seul mot, peut-être. Bon, d'où la difficulté. J'y arrive pas. Donc, en fait, il y a ces vers qui se succèdent. Ce sont des vers libres. Hein. Voilà. Alors, on a tous en tête le mythe du poète tourmenté. Est-ce que vous êtes quelqu'un de tourmenté ? Oui et non. Oui et non. Bon, parce que tout dépend de la poésie, comment elle se... Et j'aime bien, par exemple, la citation d'André Breton, « La poésie se fait dans un lit comme l'amour. Ces draps d'effet sont l'aurore des choses. » Eh bien, c'est un peu ça, si vous voulez, où la poésie invite à prendre feu, disait Julien Gracq. Donc, c'est un peu ça, ce que je vis, voilà. Alors, la poésie, c'est l'art de jongler avec les mots. C'est une façon de donner sa propre vision du monde. C'est un mode d'expression suffisant ? On peut tout dire en poésie ? Ça serait très bien si on pouvait tout dire. Malheureusement, bon, quand on regarde dans le monde, il y a beaucoup de choses, beaucoup de poètes, d'artistes qui ont voulu dire des choses et qui ça leur a coûté très très cher, malheureusement. Et ça continue à l'heure actuelle. Hein, et dans un recueil, je pense qu'on parlera tout à l'heure, ouvrons les portes, c'est les cœurs s'ouvrent et se ferment comme les portes, mais beaucoup de portes demeurent désespérément fermées. Alors, vous avez déjà eu l'envie de vous lancer dans une autre écriture, un roman par exemple ? Nouvelle, j'ai fait une petite nouvelle, l'écriture. Alors, un roman, j'en ai fait un, bon, quand j'avais 14-15 ans, j'habitais un petit village près de Toul, le Chaulnay-sur-Moselle, qui est d'ailleurs la patrie d'Émile Moselli, prix Goncourt 1907, écrivain régionaliste qui a connu son succès à l'époque, dans les années 30, 40, voilà. Et disons que je connaissais un peu sa maison, j'ai connu son fils, son petit-fils. Je l'ai rencontré étant jeune, au village, dans sa maison natale. Et voilà, la question c'était de... Est-ce que vous aviez eu l'envie de vous lancer dans une autre écriture ? Dans une autre écriture. Alors, l'écriture... oui et non. Donc, le roman, j'ai fait un roman sur les gars de mon village. Hein, voilà, donc je vous parlais de Chaulnay, voilà, pour ça. Et donc, c'est un tout souvenir. Alors, un peu comme le club des 400 coups, mais pas dramatique. Hein, tous les petits coups qu'on pouvait faire aux habitants, déplacer les bancs, éteindre les lumières, toutes les petites bêtises que l'on faisait à l'époque. Donc, j'ai fait un petit roman avec deux bandes rivales du village, les petites attaques entre villages voisins. Et je me suis très, très très bien amusé, ça a beaucoup plu. Et d'ailleurs, quand je rencontre encore des amis qui sont dont les années ont passé, eh bien, ils me parlent toujours de ce petit bouquin et ils me le demandent encore, quoi. Mais il n'a jamais été édité, hein. Il est bien manuscrit avec des photos bien illustrées, tout ça. Gardez-vous ton Toulouse, voilà. Alors. Voilà. Alors, il y a encore un public pour la poésie. C'est un art qui touche encore beaucoup de monde. Alors, je pense qu'il y a toujours un public pour la poésie. Seulement, il faut l'amener à la poésie parce que, bon, si on en reste peut-être... alors, tout dépend de l'école, l'éducation, comment elle est abordée, la poésie, comment on la fait connaître aux enfants. Bon, et moi, je sais que j'ai eu un instituteur et puis au lycée, des professeurs de français qui abordaient la poésie dans quelque chose de naturel qui était en nous qui se révélait tous les jours à travers nos gestes quotidiens. Et je pense que tout le monde, au fond de lui, est un peu poète, quoi. Alors, vous avez déjà pensé à mettre vos poèmes sur une musique ? Oui, bien sûr. Je n'écris pas pour la musique parce que je suis pas doué en musique et puis je suis pas capable de composer. Alors bien sûr, la poésie a un certain rythme et donc j'ai des amis qui ont pris deux ou trois textes de mon recueil qui se prêtaient un peu à mettre en musique et à être chantés. Et donc c'est Gilbert Fourny et Martial Robillard qui ont pris deux, trois de mes textes et qui les ont chantés et enregistrés sur CD. Et ils sont produits un peu à l'occasion de leur récital, de leur passage. Alors, vous avez publié « Ouvrons les portes » en collaboration avec le photographe Denis Aubry chez Kairos Éditions. Ça apporte une autre dimension à vos poèmes ? Alors, celle-là, c'est une collaboration avec Denis, qui est un ami de longue date, puisqu'on s'est connu en 90 lors d'un voyage humanitaire en Roumanie, lorsque je travaillais. Et lui, il est photographe. Il s'est intéressé à la photographie, mais c'est pas son premier métier. Il est professeur des écoles, et sa passion, bien sûr, c'est la photographie et photographie de la nature. Il fait beaucoup de voyages. Il est allé en Alaska, en Islande, en Asie, et il a ramené beaucoup de photos. Et certaines photos m'ont inspiré. Il m'a dit, mais pourquoi pas que si tu sens quelque chose, tu pourrais mettre un peu de trois vers sur ou mettre un peu de poésie. Et ça m'a plu et on a sorti deux albums, dont un qui est nature islandaise, intitulé Crazy Nature. Alors, sur des photos de faune, de la faune, de la flore, des paysages, j'ai mis des petits textes pour illustrer et on l'a sorti il y a trois ans maintenant. Et puis le tout dernier, Ouvrons les portes, c'est un album, on essaye peut-être de faire une petite collection parce qu'on a une petite idée sur un troisième. Donc Ouvrons les portes, c'est tout des vieilles façades de maisons aux portes et puis également des fenêtres qui sont maisons abandonnées ou qui ont vécu ou qui ont encore un semblant de vie et bon, elles m'ont inspiré parce que j'y ai vu aussi des traces et puis peut-être un espoir de réouverture des personnes qui sont derrière la fenêtre, derrière la porte et qui attendent peut-être qu'on vienne à nouveau frapper. Alors, vous allez fréquenter des salons du livre, on en parlera après, mais vous avez d'autres moyens pour aller à la rencontre de votre public, genre lecture publique, spectacle ? Oui, alors, dans le cadre du Printemps des Poètes, on est souvent demandé, avec d'autres amis, puisque je fais partie de l'ADIL, de l'Académie Léon Tournelier, et puis de l'APAC aussi, qui est en Moselle essentiellement. Et donc, on fait de petits récitals de temps en temps à l'occasion de passages, d'invitations dans des maisons de retraite, des MJC, des écoles. Voilà. Alors, vous pouvez nous lire maintenant « Trop de mots s'en sont allés ». Alors, c'est différent. Ce texte, on quitte un peu l'humour pour toucher quelque chose de plus grave. Bon, voilà, c'est un aspect autre de moi-même. Voilà. Trop de mots s'en sont allés. Il reste l'ombre des paroles aux lèvres des chemins et quelques mots camisoles aux nœuds étranglés des mains. La brasure du silence, les mots qu'on a su dire, le doute d'une absence, la peau du miroir qui se déchire. Aux lisières des forêts, l'ombre réinvente sa chair, mais les mots restent muets dans les gorges de pierre. Alors dites-nous, quels sont vos projets à venir ? Projets à venir ? Bien, c'est de continuer à vivre déjà, en bonne forme. Et puis, dont je vous ai un peu parlé, ce futur recueil que je vais rassembler un peu mes textes que j'ai écrits depuis mon dernier recueil, qui est Le Temps qui coule. Voilà, c'est un projet. Et puis, le troisième album avec Denis Aubry, le photographe, peut-être pour l'année prochaine, sur un thème qui sera la nature sans doute, peut-être les arbres, peut-être les pierres, je ne sais pas encore, on doit en parler. Alors, il présente beaucoup de photos et vous en choisissez Voilà, alors, donc, par exemple, pour Nature islandaise, je ne savais pas que c'était sur l'Islande. Je ne savais pas, bien sûr, j'ai découvert que c'était un pays nordique, parce que bon, il y avait des animaux, la faune, la flore, mais je ne me posais pas, c'est sur certaines photos, j'étais perdu. Donc je m'inspirais vraiment de l'émotion par rapport à... J'étais un peu perdu. Donc c'était l'émotion qui passait avant toute chose. Bon, bah bien sûr, il y avait les petits... tous les autres, bon, les oiseaux, les petits renards. Il y avait... donc en fait, pour... Donc j'ai travaillé là-dessus, comme ça me plaisait, et je lui ai soumis. Et puis il me dit, là tu t'es trompé, mais c'est tellement bien ce que tu as ressenti que je vais laisser tel que, tout comme ça. Alors il y aura les photos, ta légende, ce qu'elles t'ont inspiré, et puis bien sûr je mettrai la signification de la photo où je l'ai prise, tout ça et tout. Oui. Et donc c'est marrant parce que sur une photo, eh bien, on peut voir d'autres choses, d'autres mondes, et notamment sur des passages, des paysans, ce qui est volcanique. Je pensais, moi, à un crash d'avion, des tas d'ordures, alors que c'était tout à fait différent. Donc j'ai composé là-dessus. Bon, mais c'était... Bon, alors que c'était des geysers, de la fusion, ce qui restait de la nature, quoi, du volcanisme. Oui, oui. Voilà. Et en fait, elles vous parlent tout de suite, ces photos, ou vous les avez regardées plusieurs fois ? Elles me parlent, c'est-à-dire que je la vois tout de suite. Et tout de suite, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. La page, par exemple, la première page, là, vous voyez, c'est un fondu un peu de paysage, et là je me dis, tiens, il y a un cheminement, il y a une émotion sur l'eau qui se fond dans le ciel, la montagne qui plonge, et je l'ai intitulé Spleen, ce cheminement jusqu'au silence du monde figé, où tout ce qui nous sépare se confond dans l'indifférence d'un regard, depuis bien longtemps la vie n'a pas bougé. Voilà, donc et là par exemple, là c'est des lichens, des mousses sur les pierres volcaniques, et voici la carte de tous nos voyages, des terres, des océans, des îles, des plages, des ports où sont ancrés nos souvenirs et où attendent nos rêves d'avenir. Voilà, et ainsi de suite. Il y a une petite les glaces. Alors c'est comme une vieille peau, par exemple. Il y a des végétaux sur une croûte de glace, mais sur des poussières volcaniques. Et j'ai vu ça, moi, morsure du froid sur la peau. L'hiver est venu bien trop tôt. Voilà ce que m'a inspiré la photo. Oui. Ouais. Alors, dites-nous où l'on peut trouver vos livres. Alors, le temps qui coule, il m'en reste quelques-uns. Plus particulièrement chez moi, parce que c'est l'édition Gérard Louis, mais je ne sais pas s'il lui en reste beaucoup, puisque c'est un livre qui est sorti, un recueil qui est sorti il y a une dizaine d'années. Mais il m'en reste encore quelques-uns chez moi, que lorsque je fais des petits récitals, si les personnes en désirent, ou lors des salons de livres. Donc, pour Crazy Nature, dont je viens vous parler, là, pour les photos, c'est chez moi. Là, il n'a pas été diffusé par un éditeur. Il est à compte d'auteur. On peut le trouver chez Denis Aubry ou chez moi. Je pense que on a nos adresses mail si personne veut contacter. Et le dernier qui est sorti, Ouvrons les portes, c'est par les éditions Kairos. Alors, édition Kairos, donc on peut le trouver en FNAC ou ailleurs où il a été diffusé. Et puis chez nous, puisque nous, on a un certain quota qu'on a acheté et qu'on met à disposition du public lorsqu'on fait des expositions. Denis, des expositions, des conférences, puisqu'il fait une conférence samedi prochain à Saint-Nicolas-de-Port, au musée du cinéma. Et donc c'est à ces occasions-là que l'on propose ces recueils poésie, photos. Oui. Alors vous allez aussi être présent au Salon du Livre qui va se passer à Villers-lès-Nancy. Oui, Villers-lès-Nancy. Donc chaque année, c'est la sixième année, je crois. Non, je ne sais même plus, peut-être. Le 11e, c'était Saint-Nicolas-de-Port, la 6e et 11e déjà, que le temps passe. Voilà, c'est affolant. Et c'est dimanche 18 février, aux salles des Écraignes, centre les Écraignes, à Villers-lès-Nancy, rue Albert Ier, juste en face du château Madame de Graffigny. Voilà, de 10h à 18h. C'est ça, de 10h à 18h. Et l'invité d'honneur, c'est Liliane Bocquel, qui est éditée chez Gallimard et qui écrit très bien, qui a sorti 4-5 bons romans que je vous conseille de lire. C'est merveilleux. Alors, on a encore quelques secondes. S'il ne devait rester qu'un seul poème dans l'univers, vous choisiriez lequel ? Un seul poème de... Oui, dans l'univers, comme ça. Dans tout ce qui a été écrit, là, justement. Écrit... Pas spécialement par vous. Votre poème préféré, qu'en fait, celui... Oh, les poètes préférés... À vrai dire, j'adore Prévert, bien sûr. J'aime beaucoup Desnos, Éluard, René Guicadou, Maurice Carême, et puis bien sûr Ronsard, Dubellay, les poètes de la Pléiade. Il n'y en a pas un qui. Je pense Prévert, mais j'aime aussi beaucoup la poésie chantée à travers Brel, Brassens, Boris Vian, particulièrement, non, je ne peux pas dire que j'ai une préférence marquée. Alors merci à Philippe Mitre d'être venu nous parler de son recueil « Le temps qui coule » publié chez Gérard Louis Éditions et d'Ouvrons les portes en collaboration avec Denis Aubry chez Kairos Éditions. Au revoir à tous et à bientôt. Merci Mona, au revoir et puis au plaisir.